Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Aujourd'hui, l'invention du permis de chasser, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Véronique Samouilov. Au départ de ce documentaire, il y a l'envie d'aller humer l'odeur des sous-bois et de faire craquer les feuilles sous ses pas. Et pourquoi pas pour y entendre ceux qu'on n'aime pas y croiser et qui portent un fusil et un gilet orange. Alors pour commencer, les personnages. Un chasseur fonctionnaire, un journaliste, un ancien directeur de la chasse, un ancien examinateur, un chasseur passionné et un écologiste conciliant. Ensuite, le décor. Un examen, des chiens sanguinaires, des laits suités, des traces, des battues, des fusils, des accidents, des trophées, des élections, des clochettes et des corps, des sous et des cartouches maison. C'est parti, on rembobine les archives. Si vous avez 16 ans et que vous avez l'intention de tenir un fusil pour chasser au cours de la saison 76-77, vous avez alors tout intérêt à vous présenter aujourd'hui devant les épreuves du permis de chasse. Pour la première fois en effet cette année, l'examen est nécessaire aux jeunes garçons et filles qui veulent chasser. Jusqu'à l'an dernier, vous le savez, il suffisait de payer. À partir de cette année, il faudra aussi subir avec succès un certain nombre d'épreuves. Du permis de chasse au permis de chasser. Les petits matins d'automne, dans les forêts roussies et jaunies, et dans les aubes blanches et brumeuses de l'hiver, les branches et les brindilles craquent sous les bottes. En marche ou à l'affût, en groupe ou en solitaire, pour un bon chasseur qui doit savoir chasser avec ou sans son chien, la chasse a toujours à voir avec la nature. On la regarde, on y cherche les traces des animaux, on repère les bauges des sangliers, on devine les feuilles grignotées par les biches et on traque les coulées des animaux à travers les bois, pour le plaisir de les voir en liberté, c'est vrai, mais aussi un peu pour celui de les traquer et de les tuer. Et puis, il faut bien l'avouer aussi, un peu pour les manger. Alors avant, la chasse, c'était suivre le père, l'oncle ou le grand-père. Pour débusquer ensemble des lapins, on commençait petit, on apprenait sur le tas. Les fusils étaient dans la famille depuis toujours, et si ce n'était pas toujours très prudent, ben on le disait pas trop. Et la législation de la chasse restait un peu abstraite. Et puis c'est vrai qu'après mai 68, la guerre du Vietnam et la guerre d'Algérie, parmi les jeunes générations, la mode n'était plus tout à fait aux fusils, aux trophées de chasse et aux randonnées entre hommes habillés en kaki. Alors sont venues les années 70. Et on a commencé à prononcer les mots environnement, protection des espèces et ressources naturelles. Et comme le gouvernement voulait faire des gestes pour l'environnement, sans se fâcher pour autant avec les 2,5 millions de chasseurs, que les sociétés de protection de la nature voulaient encore bien discuter avec ces mêmes chasseurs, et réciproquement, pour mieux protéger les espèces, et que les chasseurs voulaient redorer leur image et protéger leur gibier, le terrain d'entente a été la mise en place du permis de chasser. Mais attention, pas un examen pratique, non. Plutôt un examen théorique, sur le modèle du code de la route, 21 questions, un petit diaporama, et il n'y avait plus qu'à. C'est depuis le musée de la chasse et de la nature, à Paris, 60 rue des Archives, dans le 3e arrondissement, que l'Office national de la chasse vous propose de suivre le déroulement des épreuves du permis de chasser. Pour des milliers de candidats, il s'agit d'un examen. Pour vous, téléspectateurs, l'enjeu est différent. L'émission se présente comme un divertissement qui vous permettra de tester votre connaissance du milieu naturel. Les questions porteront sur la faune, la réglementation de la chasse et la sécurité. Regardez bien les images qui vont suivre, écoutez bien les questions qui vous seront posées. Question numéro 1. Je suis autorisé à tirer. Réponse A. Je ne suis pas autorisé à tirer. Réponse B. C'est passé la première fois que vous avez eu à faire passer l'examen juste après... Ma pauvre dame. Alors, je vais vous dire tout de suite. Jean-Claude Le Chanu, examinateur pour le permis de chasser. Vers le 24 janvier, Il y a un monsieur qui est passé. Il dit, vous êtes bien monsieur Untel, parce que j'étais travaillé dans un service administratif. Et alors, vous êtes bien monsieur Untel, voilà, j'ai votre permis de chasser. Alors, tout de suite, je lui demande, ai-je fait une faute, monsieur? Mais je ne savais pas, hein. Et alors, dis donc, vous serez examinateur du permis de chasser. Point barre. Et au mois de mai, on reçoit une convocation, réunion dans la préfecture. Là, c'était plus la même chanson. Et c'est là que M. Bitton nous a mis l'organisation du permis de chasser. Ah ben, je dis là, c'est plus la même chanson. Puisqu'on avait rendez-vous pour l'examen cette journée du 24 juin, on avait rendez-vous à 6h le matin, rue de la Quintigny, 44 rue de la Quintigny, dans le service des permis de conduire. Donc, nous avions tout le matériel nécessaire, puisque donc c'était un vidéoprojecteur qui était à la disposition des inspecteurs du permis de conduire. Et donc, on a profité de ce matériel pour effectuer le permis de chasser. Et bien entendu, il y avait tellement de candidats, puisqu'on avait, à la Quintigny, et ils ont passé dans la journée 1600 candidats. C'est impossible, madame. Les gens étaient assis dans les couloirs, debout, juste à côté de l'écran. Enfin, c'est pas du travail. Et on était deux. Mais moi, vous savez, à la force d'écrire, je pouvais plus. S'il vous plaît, je vais vous demander quelques précieuses minutes d'attention pour écouter les consignes. Pour passer donc une journée agréable, on va donner des consignes et de sécurité et consignes de tir sur le gibier. Donc on demande à ce que tout le monde les respecte à la lettre, ces consignes. Donc on va tirer un chevreuil par ligne de tir. Une fois que vous avez entendu annoncer la mort sur votre ligne, vous ne tirez plus de chevreuil. On va tirer les fans également, et uniquement les fans. Pas de bichettes et pas de biches. Concernant les sangliers, on ne tire bien évidemment pas sur une laisse huitée. Pour le petit gibier, on va tirer aujourd'hui des faisans éventuellement, c'est encore ouvert. La bécasse est ouverte. Renard, canard, lapin éventuellement. Voilà. Jusqu'alors, la chasse était considérée comme un acte de cueillette sur la nature. Jean Servat, directeur de la protection de la nature et de la chasse au ministère de l'Environnement. Le chasseur prélevait, sans trop se soucier du renouvellement des populations animales, sans trop se soucier même des périodes spécifiques à telle ou telle espèce. Nous avons donc voulu développer une nouvelle politique basée sur la gestion de la faune sauvage. Ce qui impliquait tout d'abord, bien sûr, une connaissance de la biologie des espèces, qui justifiait effectivement cette nouvelle politique. Et comme conséquence, bien sûr, d'instaurer une réglementation qui fixait non plus de façon spécifique des périodes de chasse, mais surtout des plans de chasse, c'est-à-dire des limites dans le prélèvement que l'on imposait à chaque chasseur. Alors ça, c'était une des phases, justement, de notre nouvelle politique. La deuxième phase, c'était d'expliquer aussi au grand public ce qui était le chasseur. Nous étions quand même dans une période où se développait cette nouvelle politique de l'environnement. De plus en plus, l'opinion publique était sensibilisée à ce qu'était l'environnement, la biologie, au sens large. Donc, il fallait un petit peu faire comprendre au grand public que le chasseur n'était pas uniquement un tueur, mais que c'était un homme qui connaissait la nature et qui ne savait prélever que ce qui pouvait être prélevé. L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires, les plus nécessaires à la vie, comme l'air et comme l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. Il faut créer et répandre une sorte de morale de l'environnement, imposant à l'État, aux collectivités, aux individus, le respect de quelques règles fondamentales, faute desquelles le monde deviendrait irrespirable. Oui, c'était le début des années 70, c'était la création du premier ministère de l'Environnement. Exactement, à l'initiative du président Pompidou, qui, vous le savez, a été le premier à parler d'environnement dans un grand discours à Chicago en 1970. Donc cette nouvelle politique donc se développait et nous avions donc prévu cette nouvelle organisation de la chasse et avec comme conséquence de dire un jour ou l'autre, il faudra quand même s'assurer que les jeunes chasseurs et ses connaissances de base, d'où l'idée de faire passer un examen avant de leur délivrer un permis de chasse. On a commencé à parler de l'examen du permis de chasser en 1967. À l'époque, l'Office national de la chasse n'existait pas. Et Jean-Luc de Decker. On s'appelait Conseil supérieur de la chasse. Et François Videron était le président du Conseil supérieur de la chasse. Et dès 1967... il souhaitait mettre en place une épreuve de l'examen du permis de chasser. Alors cette idée a été diversement accueillie dans les milieux cynégétiques, surtout parce que certains présidents de fédération notamment craignaient que cet examen soit obligatoire pour l'ensemble des chasseurs. Et donc on a mis un petit peu de temps à instituer cet examen du permis de chasser. Le monde de la chasse y était globalement assez hostile. Francis Grange, journaliste aux chasseurs français. Même si plus on montait haut dans la hiérarchie de responsabilité des associations de chasse, des fédérations par exemple, plus la conscience était développée de cette nécessité d'être responsable par rapport à un patrimoine commun. D'ailleurs, ce qu'on entendait à l'époque chez les chasseurs, on va dire, de base, c'était qu'on remettait en cause cet acquis de la Révolution, qui est la chasse populaire. Voilà, on entendait ce type de propos. Atteinte à la liberté individuelle, c'était considéré comme une première étape vers une possible suppression de la chasse. On a entendu tout et n'importe quoi à l'époque. D'un gros sanglier. Il y a des gardes qui marquent là sur le côté. Ça, c'est un sanglier qui fait au moins 80 kilos. Hein. Regardez là, regardez là. Regardez, regardez le petit marque à 5 au milieu là. Regardez-le. Il s'en va là. Regardez-le. Les suités. Daniel, c'est une les suités. Ça, c'est une mère avec des filles, hein, apparemment. Faut pas insister. Avant, pour pouvoir acheter une arme, on n'avait pas besoin du tout de présenter son permis de chasser. J'ai commencé, moi, à chasser en 1967, dès que j'ai eu l'âge de 16 ans. J'ai acheté un fusil quelques jours avant l'ouverture de la chasse. J'ai été faire valider mon permis de chasser, donc c'était qu'une histoire d'acquittement d'une taxe. Et je suis parti à la chasse avec un oncle qui était très chasseur et qui m'a appris la chasse. J'ai pas passé les épreuves de l'examen du permis de chasser, mais vous pouviez très bien trouver des gens qui n'avaient pas forcément dans leur milieu familial ou parmi des proches des chasseurs et qui pouvaient se retrouver à la chasse du jour au lendemain en ayant acheté un fusil la veille, et ça on pouvait le rencontrer. Comme mon papa était un grand chasseur, c'est lui qui m'a formé, et je peux vous garantir, un jour j'ai fait une faute, et il avait deux superbes chiens d'arrêt, deux épagneuls bretons, et j'avais tiré juste au-dessus de la tête d'une chienne. Oh là là là. J'ai pris, comme on dit, un bon coup de pied au cul. Alors, c'était pas bon, là. Et vous aviez quel âge ? 17 ans. Vous savez que un mois avant l'ouverture, je ne dormais ni jour ni nuit parce que, vous savez, c'était la fièvre de l'ouverture de la chasse. Là, tenez. Vous voyez, mon premier, je crois que c'est mon premier permis, parce qu'il y a un qui était passé dans la machine à laver. En 64, il est. Oui, vous voyez. Et avant d'y aller, il vous montrait comment utiliser un fusil. Alors, il m'avait montré un petit peu, parce qu'à cette époque-là, on faisait nos cartouches. Mon papa faisait ses cartouches lui-même. Alors là, le silence était de rigueur. Tout ça s'était aligné sur une table. Alors, on mettait la poudre, les amorces sur les cartouches. Après, la poudre et juste la dose, hein. Pas un peu plus, parce qu'il y a des fois, c'est, quand il se trompait, ça faisait une flamme, le bout du fusil, long comme ça. Hein. Ah oui. Et après, l'ouverture le matin, là c'était 8 heures. Et jusqu'au soir, c'était, il n'y avait pas d'heure de fermeture. Et puis voilà, parce que tout le monde tirait, vous savez, des dangers publics. Hein. Moi, j'ai chassé à partir de l'âge de 3 semaines, parce que mes parents m'ont expliqué qu'ils devaient aller au lapin, qu'ils n'avaient pas trouvé quelqu'un pour me garder. Donc, comme ils faisaient frais mais beau, ils m'ont mis dans un couffin et ils me déplaçaient de garenne en garenne pour pouvoir fureter. Et puis moi, je devais babiller dans mon couffin. Et manifestement, les coups de fusil m'ont pas traumatisé. J'ai commencé, moi, vraiment à accompagner. Alors là, c'était mon grand-père maternel à l'âge de 4 ans, parce que mon grand-père habitait en milieu rural, dans le Val d'Oise actuel, et il m'emmenait avec lui, et il me faisait traîner un énorme carnier qui, quand on a 4 ans et qu'il y a un lièvre de 4 kilos dedans, quelque chose de très très très lourd, mais soit mon grand-père s'en est jamais aperçu, et j'avais pas le droit d'en râler, pas le droit de me plaindre. Mais voilà, donc j'ai toujours suivi, et puis ensuite, j'étais traqueur au grand gibier quand j'ai eu, je sais pas, de 12 à 18 ans, et puis après, bah, j'ai pris un permis de chasser, mais à l'époque, il suffisait de payer et puis de l'avoir. Ça a été d'ailleurs ma récompense pour mon bac. J'ai eu mon bac à 17 ans et demi et donc j'ai pu chasser la saison suivante. Depuis combien de temps vous êtes en train de chasser ? Eh bien, depuis 6 heures et quart ce matin. Est-ce que ça a marché ? Non. Pourquoi ? On n'a pas vu le gibier. Enfin, surtout le gibier qui est autorisé. J'ai vu 3 lièvres ce matin. Et je n'ai pas question de tuer le lièvre. De tuer le lièvre. Est-ce que des amis qui chassent avec vous ont eu quand même du gibier ce matin? Eh bien, j'ai entendu des coups de fusil. J'ai un copain là qui a eu une caille. Pas plus? Pas plus. Autrefois, effectivement, l'apprentissage du chasseur se faisait automatiquement à travers la famille. C'était le père qui amenait le fils à la chasse et petit à petit, dans le fond, lui transmettait un petit peu toutes ses connaissances. Mais il ne faut pas oublier que de plus en plus, la population devenant citadine, les chasseurs étant plutôt autrefois des hommes, des ruraux, maintenant devenant des citadins, cette transmission à travers la famille disparaissait. Donc il fallait que le jeune lui-même s'instruise pour préparer un petit peu dans les meilleures conditions cet examen. À l'époque, il y avait en France 2 400 000 chasseurs, ce qui était quand même énorme. Mais on éprouvait quand même le besoin, on sentait quand même la nécessité de mieux l'organiser et de faire comprendre aux chasseurs que... La chasse n'était plus comme autrefois une cueillette à des fins alimentaires, que c'était vraiment maintenant presque une école de connaissance de la nature, une école de rigueur et de discipline où chacun devait quand même faire un effort de connaissance et surtout, si on voulait continuer d'avoir des animaux gibiers un peu partout, eh bien, il fallait quand même s'assurer de la pérennité des espèces et de leur devenir. Donc, toute l'organisation de la chasse, tous les lois qui ont été promulguées à cette époque-là, étaient basées effectivement sur ces principes, qu'il s'agisse de l'instauration des plans de chasse aux grands animaux, notamment à tous les grands cervidés, et ça a été relativement difficile, hein, parce que jusqu'alors, je vous dis, les gens n'avaient pas l'habitude de se limiter dans le nombre de pièces à tuer. Là, faut mettre les chiens là-dedans avant de quitter le coin. Allez, devant, devant, devant, devant. Allez, cherche-le. Devant, devant, cherche, il est où? Cherche-le. Ah, laisse, Fallon, laisse-le. Fallon, laisse-le. laisse-le, laisse-le. C'est bien. Allez, mon chien, viens. T'as pas de bolis, c'est fermé, le lièvre. C'est bien, ma fille. Allez, viens. Hein? Ouais, ouais, on va faire demi-tour, on passera pas, là. Allez, Fallon. L'idée de ne consommer que le revenu, mais de surtout pas risquer de porter atteinte au capital, ça leur passait complètement à côté. D'ailleurs, moi j'ai connu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu avant l'instauration du permis de chasser, l'instauration du plan de chasse, mais ça avait déclenché une hostilité totale, on voulait nous empêcher de chasser, on voulait nous restreindre nos libertés, encore issues de la Révolution. Puis finalement, le plan de chasse a été ultra bénéfique, comme le permis de chasser a été, peut-être moins que le plan de chasse, mais très bénéfique à la chasse dans son ensemble. Bah, si vous voulez, le contexte de l'époque, c'est que les associations de protection de la nature commençaient un petit peu à prendre du poids. Hein. Jusqu'ici, c'était un peu plutôt des sociétés savantes. Et puis, on arrive sur la fin des années 70 à la création d'une toute une série d'associations régionales de protection de la nature. Jean-Patrick Leduc, responsable des questions de chasse à la Fédération des sociétés de protection de la nature. Et bien évidemment, les problèmes de chasse sont des problèmes qui sont quand même relativement importants à cette époque, parce que la durée de chasse est très longue, il y a près de 2 millions de chasseurs, etc. Bon, moi en plus, à l'époque, j'étais responsable de la commission chasse, et on a essayé... à quelques-uns, avec Jean-Pierre Raffin, par exemple, d'établir un dialogue avec les chasseurs pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Ça a été assez dur, mais à l'époque, les fédérations de chasseurs étaient regroupées dans une association volontaire, pas du tout obligatoire comme maintenant, qui s'appelait l'Union nationale des présidents de fédérations de chasse et qui avait élu à sa tête un homme qui finalement était un homme de bon sens, de dialogue assez sympa, Monsieur Hamelin. Et dans les revendications qu'avaient les associations à l'époque, il y avait évidemment le permis de chasser, où on souhaitait tous qu'il y ait un examen du permis de chasser. Et puis, parallèlement, il y a eu quelques problèmes dans la chasse, et les chasseurs ont compris qu'il était urgent et nécessaire de redorer leur image de marque. Et dans ce cadre-là, finalement, ils se sont dit que l'examen du permis de chasser, c'était quelque chose qui pouvait montrer, être mis en valeur, pour montrer qu'ils étaient sérieux, qu'ils voulaient faire des progrès, etc. Et donc, finalement, ils ont accepté. Et donc, au niveau du gouvernement, hein, les ministres avec lesquels on avait contact à l'époque, voyant que les chasseurs et les protecteurs de la nature étaient d'accord sur quelque chose, se sont dit « Oh, voilà la bonne occasion de satisfaire tout le monde !» Et donc, on fait passer ça. Enfin, tant bien que mal, je crois, le gouvernement est arrivé à présenter ce projet, à tout vous avouer. On était appelé à le faire passer dans une loi rectificative de finances pour que ça apparaisse le moins possible devant le grand public politique. Presque en catimini, je crois qu'il faut, le dire sans restriction, mais nous avons été tout surpris de voir que presque en catimini, dans une petite loi rectificative de finances, nous avions encore plus de 150 députés en séance à 1h du matin, ce qui est vraiment exceptionnel pour ce genre de choses. Ce qui prouvait justement à la fois l'intérêt, mais aussi l'inquiétude de beaucoup de politiques de voir arriver cet examen. Et pourquoi est-ce qu'il semblait important à l'époque aux associations de protection de la nature de mettre en place un permis de chasse ? Pourquoi spécifiquement un examen ? Parce que, si vous voulez, c'était la solution qu'on avait trouvée pour que les chasseurs, déjà, au moins, connaissent la liste des espèces protégées. Hein. N'oublions pas encore, à cette époque-là, on est dans une situation où on peut chasser tout, sauf les espèces protégées. Hein. Il faudra attendre la loi de 76, la loi sur la protection de la nature, pour qu'on change de système où on ne peut chasser que les espèces qui sont gibiers. Hein. Donc, à l'époque... comme il y avait que le bouche à oreille, les informations, moi, à la rigueur, le chasseur français qui pénétrait pas mal dans les campagnes, mais pratiquement les chasseurs ne savaient pas ce que c'était les espèces protégées, connaissaient pas du tout la réglementation de la chasse, etc. Alors il y avait cet aspect-là, et puis il y avait l'aspect où on avait l'exemple aussi de ce qui se passait dans les pays voisins. Hein, les pays voisins, la France a quand même été un des derniers pays à avoir un examen du permis de chasser. Question numéro 14. Cette arme à rechargement automatique permet de tirer plus de 3 coups de suite. J'ai le droit de m'en servir pour chasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chasseurs, ce qu'ils aiment un petit peu la trouille, c'est que ça diminue le nombre de chasseurs. Mais ils ont pu être rassurés très vite, hein, parce que je dirais que le niveau de l'examen était mais vraiment bas. Hein. Moi-même, je l'ai passé en 1978 ou 79, je ne me souviens plus exactement. Et ça, je me souviens parce que bon, moi, je n'étais pas chasseur, je n'avais jamais chassé, je n'avais jamais porté un fusil. Et donc, je suis allé passer l'examen dans mon petit village dans l'Ille-et-Vilaine. Évidemment, le garde-chasse du coin m'a regardé un petit peu bizarre en me demandant d'où je venais. Pour pas avoir l'air quand même trop ridicule, j'avais acheté un bouquin que j'avais lu dans le train, en rentrant dans le train de Paris pour aller le passer. Et je l'ai passé, j'ai eu 21 sur 21, sans problème. Et à côté de moi, c'était vraiment assez intéressant. À l'époque, il y avait une marque d'apéritif qui avait fait un petit guide avec les espèces protégées. Ils l'avaient tous avec eux. Et puis ça discutait, ça trichait comme c'était pas possible. Je me souviens toujours celui à côté de moi. À un moment donné, on présente une chouette et on dit « A, je tire pas, B, je tire ». Et puis c'est mon voisin qui dit à son voisin, si tu peux y aller, mon père en a tiré une la semaine dernière. Franchement, la première année, ça a été totalement bidon. C'est-à-dire, autant que je me souvienne, il y a eu 96 ou 97% de réussite. Je crois que c'était 96%. La deuxième année, ça a dû être... il y avait déjà une petite sélectivité, mais on devait encore être à 87%. Et puis, dès la troisième année, on est arrivé à un taux de réussite de l'ordre de 70%, ce qui a été ensuite le taux qu'on a toujours connu. Hein. On a toujours connu un taux entre 65 et 70% de réussite par la suite. Donc au départ, probablement pour faire rentrer la procédure dans les mœurs, il y a manifestement eu des instructions de données pour que quasiment tout le monde ait le permis. Aujourd'hui, samedi 22 avril, il y avait, figurez-vous, un examen et près de 92 000 candidats. L'examen du permis de chasse. Il fallait répondre convenablement à 16 questions sur 21. Mais certains chasseurs recalés ne sont pas contents. Par exemple, celui-ci qui a rencontré Marie-France Bourdoiseau. C'est un vieux chasseur pourtant, mais il avait perdu son permis et le voilà recalé. Il y a 30 ans que je chasse, j'ai égaré mon permis de chasse, je représente le permis, c'est pas logique. Vous avez été recalé, vous avez chassé pendant des années en étant dangereux, apparemment. Bon, mais c'est ce que je vous dis. C'est comme le gars qui a le permis de conduire une voiture qui a 40 ans qui conduit. Exemple, moi. Si on me fait passer le permis de conduire, je suis calé automatiquement. Donc, je suis encore dangereux sur la route. Alors, dangereux sur la chasse, dangereux sur la route, il faut me foutre en cabane. Hein. D'après vous, pourquoi vous avez été recalé alors, puisque vous êtes chasseur et que vous connaissez la chasse? Je ne me suis pas occupé de la question, parce qu'il fallait acheter un livre, et ce livre, je ne l'ai pas acheté. Moi, qu'est-ce que vous voulez? On me dit, est-ce que la portée d'un plomb numéro 5 va être valable à 100 mètres ou à 200 mètres? Moi, je ne sais rien. À 100 mètres, j'estime que le plomb peut occasionner un danger, et j'ai porté à 200 mètres. Je vais répartir un lapin à 50 mètres d'une maison, ou un lièvre à 50 mètres d'une maison, j'y tire d'un. Peut-être on a vu avec inquiétude quand même dans certaines fédérations l'arrivée de ce permis et peut-être justement on a mis en place des formations comme ça parce qu'on avait peur que finalement les gens n'obtiennent pas ce permis. Est-ce qu'il y avait une crainte comme ça de voir un échec au permis de chasser ? Ah, clairement, c'est-à-dire qu'il y a eu une inquiétude de la part des autorités de la chasse, des responsables du monde de la chasse, de voir s'effondrer le nombre de chasseurs, donc de voir diminuer drastiquement leurs ressources. Finalement, ils l'ont fait passer avec surtout une mesure, alors laquelle là, nous n'étions pas tout à fait d'accord, c'est que toutes les personnes qui avaient obtenu un permis de chasser autrefois, il suffisait de payer, hein, n'avaient pas besoin de repasser l'examen du permis de chasser. Hein, ce qui fait que du jour au lendemain, on se retrouvait avec 2 millions de personnes qui avaient un permis de chasser. Seuls les nouveaux avaient besoin de passer l'examen. Donc si vous voulez, la grande majorité des chasseurs, ils s'en foutaient pour eux, ça ne changeait rien. Pour nous, ça n'était qu'une étape, parce que dans les discussions, nous, on avait demandé qu'il y ait évidemment un examen pratique, etc. Donc, c'était un petit pas, quand même. Il est resté derrière la palissade. Allez, simulation d'une battue au grand gibier, hein. Vous avez votre poste, votre traque qui vient en face avec le traqueur et les animaux qui vont sortir. Quand on arrive ici, on commence par quoi? Voilà, regardez votre environnement, hein. Vous partez du poste, 5 pas droit sur votre voisin. Donc ensuite, vous revenez vous poster, et là, qu'est-ce qu'on doit dire? J'ai entendu le début de battue, monsieur l'inspecteur. Et là, on commence à toucher à son arme. On charge, bien sûr, canon dirigé vers le sol. Et vous revenez vous poster. Alors le sanglier sort, vous le laissez bien sortir de l'angle avant d'épauler. Vous laissez rentrer le sanglier, on ne tire pas un sanglier rentrant. Donc là on va s'arrêter ici, on va faire un petit peu de manipulation, mais l'examen n'est pas terminé. Il y a une chose aussi que je voudrais rectifier, parce que ça a été le jeu de beaucoup de chasseurs extrémistes, mais on a toujours dit les associations sont opposées à la chasse. Or ça n'a pratiquement été jamais vrai. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour laquelle à l'époque j'avais passé mon permis de chasser, parce que comme on me traitait d'anti-chasse, dans les réunions, bah je sortais mon permis de chasser, et puis là, il y avait un problème, évidemment. Allez, dernier plateau, prêt. Pour finir, Jean Servat, vous pouvez nous raconter un peu comment à l'époque, finalement, s'entendaient assez bien les associations de protection de la nature et les chasseurs? Eh bien, écoutez, moi, je dois avouer très honnêtement qu'à l'époque, on entretenait d'excellents rapports avec les associations de protection de la nature. Moi, je me souviens, c'était même pour nous nos conseillers privilégiés. Quand on avait un problème sur la connaissance d'une espèce, puisqu'on était appelé à fixer des périodes de chasse, on discutait avec les associations de protection de la nature, qui étaient... Il faut le reconnaître aussi peuplé de beaucoup d'hommes de science, beaucoup de scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle qui étaient là pour nous conseiller, nous dire « Attention, cette année, la migration n'est pas bonne, etc. » Donc, limiter plutôt les prélèvements et les périodes. Et je dois avouer que à mon époque même, la chasse, par exemple, au gibier d'eau fermée fin mars, et que les chasseurs, on a eu beaucoup de mal... Mais enfin, on a joué le jeu avec eux, on leur a expliqué qu'il fallait peut-être pas chasser le mois de mars, qui était une époque où les oiseaux commençaient à s'accoupler, à nidifier, et que c'était désastreux pour la reproduction future. Et qu'on est arrivé avec eux, en accord avec, entre les associations de protection de la nature, les chasseurs, à petit à petit ramener la limite de la période de chasse aux oiseaux migrateurs, et aux gibiers d'eau en particulier, à la fin février. Et ceci avait l'accord de tout le monde. Interactualité, septembre 1979. Est-ce que l'arrivée du permis, par exemple, qui a déjà amené une diminution du nombre de chasseurs en France, fait qu'on va éviter petit à petit à diminuer ce type d'accident? Est-ce qu'on va être un peu plus prudent? Est-ce que les chasseurs deviennent un peu plus responsables, deviennent de vrais chasseurs, en fin de compte? C'est vrai. Le permis a fait beaucoup de bien. Il en fera encore plus dans l'avenir, car les jeunes, maintenant, étudient, apprennent. C'est certain que oui, ce sera dans temps, ce sens-là. Oui, encore quelques temps, on tirait sur tout ce qui bouge. Nous en sommes bien conscients et nous allons avoir des chasseurs. Des chasseurs, du reste, qui ont compris que maintenant, c'était les garants de la gestion de la faune sauvage. Le gibier n'a pas disparu de par la pression de la chasse. Toutes les études qui ont été faites partout, aussi bien dans les pays de l'Est... Ça a dû aider un petit peu, quand même. Non, oui, mais... très peu de choses. Je peux vous dire, et j'ai vu les Polonais, j'ai vu un peu tout le monde, des pays où on ne chasse peu ou pas, ont pratiquement plus de gibier là où la culture moderne s'est installée. Alors là, je suis absolument formel avec des études très précises à ce sujet. C'est l'agriculture qui est l'ennemi numéro un du chasseur. C'est l'ennemi numéro un. Non, je pense que là, c'est un problème, c'est évident. L'agriculture, avec son membrement et surtout ses travaux connexes, avec les emplois de produits phytosanitaires, souvent mal employés, avec les engins de plus en plus rapides et qui abîment le gibier, c'est l'agriculture qui est la cause principale. Nous sommes bien conscients, nous, chasseurs, que l'agriculteur doit récolter avant toute chose. Bon, et c'est donc ensemble, agriculteurs et des chasseurs, que nous devons trouver des moyens pour résoudre ces problèmes, et nous devons nous rencontrer, du reste, ces temps-ci, avec des commissions de travail. Je sais que tu es là, lapin, la noix, alors sors de ton toit en vitesse, compris? Et vous pensez que le permis de chasser a été aussi une manière peut-être de diminuer un petit peu cette augmentation du nombre de chasseurs ou d'essayer de maîtriser un peu le nombre de chasseurs? Si aujourd'hui, une des raisons qui nous amène à constater une diminution très significative du nombre de chasseurs, c'est qu'il n'y a plus de lapins en France à chasser, ou très peu, ou dans des zones privilégiées. Effectivement, les chasseurs dans les campagnes pratiquaient souvent ce qu'on appelle la chasse banale, c'est-à-dire la chasse du lapin. Ils partaient avec leurs chiens et prélevaient quelques lapins, et beaucoup de chasseurs pratiquaient ce type de chasse. Par exemple, le matin, moi j'ai vu mon beau-père, et il disait « Tiens, je vais tuer un lapin parce qu'on a du monde ce midi, pom, pom, hop !» Alors donc, vous voyez un peu la suite. Ah bah, de toute façon, pris par les chiens, qu'est-ce que tu fais ? Bah, c'est tapé dans le grillage, les chiens sont arrivés aussitôt, ils l'ont attrapé. Hein. Bon. Quand un chevreuil a été serré par un chien, Jean-Luc, doué expérimenté. Faut prévenir Julien, c'est dangereux. Hein. Tu l'as vu le chevreuil ? Oui, bien sûr que je l'ai vu là, il s'est rabattu contre la grille là-bas. Et c'est le chien avec qui l'a attrapé ? Ah, je sais pas. Tu as remarqué ? Je sais pas. Allez, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Moi, j'ai passé une bonne journée, si j'ai vu des cochons, des trucs, mais. Il suffit d'avoir que vu, c'est pas une obligation de tuer. Et puis il faut leur laisser une chance aussi. Par exemple, le chevreuil, moi, je tire jamais les chevreuils. Enfin, je vous le dis, vous ne pouvez pas demander à les copains. Mais je dis toujours, ah, tu l'as pas vu. Ah non, je croyais qu'il allait passer là, je croyais que c'était un tir dangereux. Mais jamais je tire ça. C'est beau, un chevreuil, c'est vrai que c'est mignon, quoi. Mais voilà. L'image du chasseur, des gens... C'est les mecs qu'on vient dans la cervelle, qui, vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on y va. Qui tire sur tout ce qui bouge et tout, c'est plus du tout ça. C'est très respecté, c'est très respecté. Et c'est normal. Ah ben si demain il n'y a plus de chasseurs, qui va payer les dégâts de gibier ? Et puis il faudra n'importe comment que l'office des forêts ou des fasse des battues, parce que déjà là, vous ne savez pas si vous avez remarqué qu'il y a des parcs. Là où il y a les parcs, justement, c'est pour protéger les nouvelles plantations. Pour pas que les gros cervidés, les cerfs et biches rentrent là-dedans. Parce qu'eux, ils te bouffent tout. Donc, imaginez-vous, s'il y en a de plus en plus, alors, dans la forêt, les arbres ont du mal à repousser, quoi. Hein. Dès qu'il y aura des jeunes pousses, paf, c'est bouffé, quoi. Ce que je regarde, moi, c'est quand on voit pas de jeunes. C'est ça, je veux dire. Quel est son budget, hein. C'est ça, hein. Moi, il faut comprendre un jeune. Un jeune, il ira pas mettre... Moi, quand j'étais jeune, je chassais pas, j'avais pas les moyens. Voilà. Avant que la Mixo soit diffusée en France, le fonds de chasse, tout le monde était chasseur de lapins. Didier Gavins, directeur de la FICEVI. Dans les plaines de Beauce, on chassait les perdrix. Dans les garrigues et le maquis, on chassait les perdrix rouges. Donc il y avait quand même, les gens du sud-ouest chassent la palombe, donc il y avait quand même des pratiques locales de chasse. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, on constate que le chasseur augmente son éventail de modes de chasse et de pratiques de chasse. Donc ça, c'est un fait lié probablement au fait qu'il y a plus de facilité de se déplacer. Maintenant, tout le monde a une voiture, alors qu'effectivement, dans les années 50 ou 60, c'était pas nécessairement le cas. Donc il y a une mobilité accrue, il y a des pratiques accrues, les médias aussi, il y a des chaînes spécialisées, il y a des revues spécialisées. Avant, on avait que le catalogue de Manu France et le Chasseur français. Donc, tout ça amène des chasseurs à découvrir d'autres modes de chasse. Et ça change, ça, justement, le fait qu'il y ait eu une génération qui avait eu affaire aux armes parce qu'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et puis qu'il y avait encore le service militaire. Et aujourd'hui, où on n'a plus du tout cette proximité avec les armes qu'on pouvait avoir avant. Traditionnellement, le père ou le grand-père initiait... D'abord, on faisait nos cartouches. C'est-à-dire qu'on... Donc il y avait un lent processus d'apprentissage et donc il y avait à la fois une proximité et en même temps une forme de respect. C'était pas quelque chose de commun. Et puis ensuite, après, en général, on était initié avec ce qu'on appelait des carabines de jardin, des armes comme ça qu'on manipulait. Bon. Et puis effectivement, arrivait le grand jour où là, on avait un fusil entre les mains. Bien. Là maintenant, je dirais, l'initiation ou la familiarisation avec l'arme est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit, j'ai des gens qui arrivent au permis de chasser, de milieu très urbain, et qui ont besoin, là, d'une approche très pédagogique, très technique, qu'on explique comment fonctionne l'arme, ce qui, étaient innés pour dans des familles. Alors, il y avait comme ça un enseignement qui se faisait au fil du temps. Et là, c'est beaucoup plus ramassé. Et est-ce que vous avez l'impression, Jean-Claude Le Chanu, que le fait d'instaurer un permis donc au début théorique et puis ensuite théorique et pratique, est-ce que ça a fait diminuer le nombre de chasseurs ? Alors, ça a fait diminuer un peu le nombre de chasseurs. Oui, un peu au départ. Et après, les gens ont réalisé que c'était déjà un avantage pour eux. Parce qu'on leur apprenait quelque chose. Et comme on dit, ce n'était pas du vent. On leur apprenait la sécurité, les armes. Parce qu'à un certain moment, vous savez qu'après la guerre d'Algérie, eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup d'armes qui sont arrivées en France. Hein. Enfin, il y avait énormément de fusils. Des armes, quand il y a eu l'autorisation de reprendre ces fameuses armes-là. Donc, après la guerre, beaucoup de personnes ont chassé sans aucun permis, sans rien. Et là, ça a été l'explosion. Hein. Allez, candidat suivant, droitier. Même chose, manipulation de la carabine. Alors, dans les années 70, on commençait à parler d'épreuves pratiques, en tout cas... Les protecteurs de la nature le demandaient et souhaitaient qu'il y ait, en plus de cet examen théorique, un examen pratique. Donc il y a eu une étape intermédiaire avec, en 1989, une formation pratique obligatoire. Cette formation pratique, elle portait essentiellement sur la manière d'ouvrir, de fermer une arme en toute sécurité, de manipuler son arme avec les canons toujours dirigés en l'air et surtout pas à hauteur d'homme. On leur apprenait également des notions élémentaires sur les munitions, hein, le chargement, le déchargement. On y est arrivé, on a pu mettre en place des épreuves pratiques complètes dès le 1er janvier 2003. Allez-y. Forcez. Allez, en charge. Ventre au bois, s'il vous plaît. C'est bon, retournez-vous. Manipulation de l'arme. Bah, pourquoi vous rechargez 100 mètres de balles ? Faut pas recharger, là. Non, on n'a pas le temps, là. Là, vous avez plus de balles. Pourquoi vous avez rechargé ? Vous remettez ventre au bois ? Ah bah oui, vous faites n'importe quoi. Là, vous venez de recharger 100 mètres de balles et vous remettez ventre au bois. Bah c'est tout. Là on tire le chargeur, on ramasse tout. Là j'ai pas compris là, ce que vous avez fait. Hein. Allez. Et la chasse continue. L'examen pratique est jugé sur 21 situations, sur 3 ateliers différents. Le candidat commence à évoluer d'abord sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc. Une fois qu'il a passé cette première étape sans encombre, il passe une deuxième épreuve de tir avec cartouche réelle sur des plateaux d'argile de couleur noire ou rouge symbolisant des espèces chassables ou protégées. Ensuite, une dernière épreuve qui concerne une épreuve de tir à l'arme rayée sur sanglier courant pour simuler un tireur posté en battue de gros gibier. Ça, c'est important. Hein. Je vous ai dit que beaucoup de chasseurs maintenant chassaient le sanglier et le grand gibier. Donc, il fallait, quand on chasse avec une carabine, avec une arme rayée dont le projectile peut atteindre 3000 mètres, il faut être sérieux et nous avons des consignes très précises à respecter. Et donc, tout au long de ces 3 ateliers, si le candidat a un comportement dangereux, il est éliminé et il doit repasser l'épreuve pratique. Finalement, les chasseurs au départ étaient opposés, puis finalement ils se sont un petit peu détendus là-dessus. Et puis, je pense qu'on a eu un petit peu le coup de pouce d'un élément supplémentaire, qui est l'argent. Parce que à partir du moment où on met un examen pratique, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des formations et d'autre part, il faut qu'on fasse des lieux d'examen. Des lieux d'examen avec des machines, etc. Donc, ça suppose des investissements. Et il y avait le marché de fournitures qui, tout d'un coup, s'est dit « Ah, mais à partir du moment où ça devient obligatoire, on va pouvoir vendre nos machines partout. » Ce qui était évident. Et puis, dans cette ambiance où il y avait d'autres priorités, donc finalement, c'est passé à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Il faut dire aussi que c'était quand même délicat de dire qu'on s'oppose à ce que les chasseurs n'aient pas de formation, enfin, n'aient pas une vérification, un minimum, de leur capacité à utiliser des armes. personne ne va nier l'intérêt d'une préparation de plus en plus renforcée à la sécurité. On en a vraiment besoin sur les terrains de chasse. Et puis le deuxième aspect, c'est meilleur contrôle possible de soi, s'assurer qu'il n'y a pas une espèce de réflexe d'envoyer un coup de fusil quoi qu'il se passe, mais qu'il y a une capacité du chasseur à se contrôler et à ne pas tirer un animal qui ne doit pas l'être. Alors, le 23 mars 87, l'Office national de la chasse et le préfet m'appellent pour la mise en place de la formation pratique du permis de chasser. Alors là, c'était beaucoup plus dur. Et à partir de cette date-là, sur les baltrapes de la région parisienne, nous avons effectué les formations des candidats au maniement des armes avec tout un système, l'ABC, donc fermer un fusil, prendre un fusil, le transporter sur les terrains et tout ça. Et bien entendu, on tirait des cartouches réelles sur les stands de baltrap. Il y avait 5 cartouches offertes gratuitement à chaque candidat. Ceux qui ont dû passer l'examen sont globalement des gens plus prudents, plus respectueux de l'environnement, plus responsables dans leur prélèvement que ceux avant permis. Alors, ceux avant permis, il n'y en a plus beaucoup hein, maintenant, mais il y a une époque où on est arrivé à peu près 50-50 dans les groupes de chasseurs. Bon, c'était très clair, il y avait une différence entre ceux d'avant et ceux d'après. Et ça faisait des conflits, justement, peut-être, entre père-fils, celui qui l'avait passé, celui qui était ancienne école. Ça faisait des histoires, des conflits, parfois? Oui, tout à fait. Ça faisait ça a créé des conflits, père-fils, comme vous l'évoquez. Moi, j'en étais assez souvent témoin, où le fils reprochait des comportements au père, en lui disant, écoute, faut pas faire ça, c'est pas responsable. Si tout le monde se comporte comme toi, dans 20 ans, on pourra plus chasser parce qu'il y aura plus de gibier. Voilà, on entendait ce type de propos. Donc, le permis de chasser, ça a été quelque part l'instauration de l'examen, protéger le monde de la chasse contre lui-même et lui permettre de perdurer, voire de prospérer. Parce que pour certaines espèces animales, on a beaucoup plus d'animaux maintenant qu'on en avait dans les années 70. Hein, je pense aux grands animaux notamment. Donc en vrai nombre de chasseurs, on est monté à 2 200 000 à peu près au point haut, et puis maintenant on doit être descendu vers 1 200 000 à peu près. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un problème de surpopulation de chasseurs par rapport à l'espace disponible pour pratiquer la chasse. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, ou nous illustrer la manière dont le permis de chasser a changé un peu l'état d'esprit de certains chasseurs ? Quand je faisais des préparations au permis de chasser, dans les questions qui m'étaient posées après la projection, la partie audiovisuelle, il y a un jour un jeune garçon qui m'a dit, voilà, si je tire un oiseau au-dessus de mon territoire et qu'il tombe sur le territoire de l'ennemi, est-ce que j'ai le droit d'aller le chercher ? Bon, voilà, ça donne une idée de ce que pouvait être une composante de la mentalité des chasseurs à l'époque. Le chasseur du territoire d'à côté était l'ennemi. Alors ça entraînait, par exemple, comme comportement, oui, d'accord, bon, on a peut-être déjà tué beaucoup de lièvres sur notre territoire cette année, mais enfin, celui-là, il allait vers le territoire du voisin, donc de toute façon, si c'est pas moi qui l'avais tué, c'est l'autre qui l'aurait tué. Vous imaginez les conséquences global que pouvait avoir ce type d'état d'esprit. Et d'ailleurs, il se disait souvent à l'époque dans le monde rural qu'il y avait trois causes de conflits dans les villages, dans les communes. C'était des histoires de fil, des histoires de mitoyenneté et des histoires de chasse. Bon, il y avait, la chasse était génératrice de comportements assez agressifs, assez violents, assez excessifs. Et là-dessus, le permis de chasser a manifestement joué un rôle, je dirais, d'apaisement, de changement des états d'esprit, un rôle rassérénant très très important. Il m'appelle, il me dit, tu sonnes cailloté et trois coups. C'était une annonce de cochon. Donc s'il n'était pas à portée, je... Alors, un coup tailloté, les suité. Ah non, c'est l'inverse. Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Merci à Jean-Luc de Decker, Jean-Patrick Leduc, Jean Servat, Jean-Claude Le Chanu, Francis Grange et Didier Gavins. Merci aussi à Marion et à Henri. Et merci enfin à l'Office national de la chasse, au musée de la chasse et à la Fédération nationale des chasseurs. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Prise de son, Patrice Klein. Mixage, je Olivier Dupré. Archivina, Aurélie Marseille. Le permis de chasser, Perrine Kervran, Véronique Samouillet. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait. Chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Question numéro 1. Seuls les accidents corporels causés par le chasseur ou ses chiens sont couverts par l'assurance chasse obligatoire. Il fallait répondre B. Question numéro 2. Le rut du chevreuil a lieu en juillet-août. Ça fait de courtes amours. Quoi qu'il en soit, la bonne réponse était B. Question numéro 3. Cet oiseau est coiffé d'une huppe. Pourtant, ce n'est pas une huppe. C'est un vanneau. Il fallait répondre C. Arbrisseau, vieille souche, chêne centenaire, chasseur ou anti-chasse, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour nous réécouter au Banquet des chasseurs, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.